Le motif tordu, selon IQ Faizé, 1906-1980. On raconte cette histoire. Quand Confucius était un jeune homme, il s'était mis à fréquenter, dans la fougue de ses jeunes 20 ans, de jeunes gens qui s'adonnaient à l'alcool et à l'opium. Sa mère se faisait alors beaucoup de soucis pour lui. C'était une femme merveilleuse qui tissait avec beaucoup d'art et de finesse. Quelque temps auparavant, elle avait juste commencé à exécuter une œuvre de grand raffinement. Elle en avait terminé le tiers. Un jour, en rentrant à la maison, Confucius vit que le tissage était terminé, mais il était tout à fait distordu. Il comportait des motifs désordonnés, les fleurs délicates étaient toutes tordues, et le tissu était irrégulier et sans teneur. Confucius en fut tout étonné et demanda « Chère mère, pourquoi avoir poursuivi de façon si disharmonieuse ce travail que tu avais si merveilleusement commencé ?» Sa maman lui répondit « Mon cher fils, ceci est le motif de ta vie. Au début, avec tout mon amour, je t'ai éduqué à tendre vers ces merveilleux motifs. Et puis, tu t'es mis en mauvaise compagnie et tu t'es perdu. Regarde toi-même ce qu'il est advenu de ce beau motif et à quelle mauvaise fin mène le mal. » Confucius comprit ce que sa mère avait voulu lui dire et il changeait de vie.